Ils ont coupé les sabots des moutons pour en faire des clochettes. Ils ont coupé les sabots des moutons pour en faire des clochettes bouffons. Pauvre Piquette, elle n'a plus que des moignons. Pauvre Piquette, elle n'a plus que des moignons. Le fermier était à la foire. Pauvre Piquette, elle n'a plus que des moignons. Pauvre Piquette, elle n'a plus que des moignons. Personne n'en voulut sur marché. Pauvre Piquette, personne n'en voulut sur le marché, à part peut-être pour la faire griller. Pauvre Piquette, elle n'a plus que des moignons. Pauvre Piquette, elle n'a plus que des moignons. Conduit pour le barbecue. Pauvre Piquette, conduit pour le barbecue. Le bouffon. Pauvre Piquette, elle n'a plus que des moignons. Pauvre Piquette, elle n'a plus que des moignons. Le bouffon. Le bouffon lui prit le cul. La Piquette qui mangea les roustons. Pauvre Piquette, elle n'a plus que des moignons. Pauvre Piquette, elle n'a plus que des moignons.